Salut à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de la Rorcal. Ce soir, pour nous accompagner, nous aurons Light 4517. Salut tout le monde. Leslie, la fille qui vient faire la parité. Salut les gens. Flavien. Salut tout le monde. Moi-même, donc bonjour à vous. JD. Bonjour tout le monde. Et Nat. Coucou. Donc, le sujet aujourd'hui, ça va être les 7 premiers épisodes de Code Lyoko Evolution, puisqu'on n'en a pas parlé depuis la dernière émission de la Orcal. Donc, à commencer par le début, donc le générique. Moi, je dis, je l'aime bien, et les graphismes sont pas mal non plus. Par contre, ça aurait été bien qu'ils aient réussi à trouver une musique qui reste dans la tête, parce que le monde sans danger, ça reste dans la tête. C'est facile de continuer à chanter quand on entend les premières notes, mais... Pour Code Lyoko Evolution, c'est pas le cas. C'est dommage. Moi, personnellement, et ça, d'ailleurs, c'est comme pour l'ensemble de CLE, un seul mot, différent. Disons que par rapport à ce que l'on connaît déjà avec Code Lyoko, ce que j'appelle maintenant la série classique, c'est différent, ça change, faut s'y habituer. Quoi. Non, mais moi, un truc qui me saoule dans le générique de Code Lyoko Evolution, c'est que, alors, juste après le générique, entre générique et titre, ils te mettent à un résumé de l'épisode. Ça, c'est chiant, parce qu'avant de voir l'épisode, ça sert à rien d'éviter les spoilers, parce que 30 secondes avant l'épisode, t'es spoilé, quoi. Donc, ça aurait été plus malin de faire un récap de l'épisode d'avant. Alors, en fait, ils font un peu au début, mais c'est bon. Je vois pas quelle est l'utilité, alors qu'on regarde les 20 minutes d'épisode d'après, on a tout, quoi. Alors, est-ce que c'est pour ceux qui décrochent et qui veulent juste voir... Après le générique, voir si vous restez après ou pas. Non, mais il y a quand même des gros spoilers, je trouve, dans ce petit intro, quand même. Ouais, enfin, c'est vrai. Donc, maintenant, les titres. À savoir Xanath 2.0, Cortex, Spectromania, enfin bref, ce genre de titres, quoi. Je vais chercher les titres, simplement, sur Wikipédia. Si, sinon, tu te casses pas la tête, hein, tu peux aussi les chercher dans les biscuits chinois. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais non, mais c'est bien pensé. Hein. Ça aurait pu, en tout cas pour certains. Quoique, les biscuits chinois, c'est censé être des mots de sagesse. Là, je sais pas. Ils ont essayé de faire des titres qui ressemblent à la série originale. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas. Parce que c'est pas le même schéma d'épisode. Dans Code Lyoko, l'original, on a... une intrigue qui se passe entièrement sur Terre et une intrigue qui se passe sur Lyoko. Et généralement, le titre de l'épisode, c'est un mix entre les deux thèmes. Et là, l'action, elle se passe pratiquement que par rapport à l'attaque des spectres de Xanath. Donc, c'est plus difficile de trouver une intrigue, un fil conducteur, donc c'est plus difficile de trouver un titre. Donc pour ça, on peut pas trop leur en vouloir, je crois. Bah, disons que Xanath 2.0, ça fait un peu spécial comme titre, parce que ça voudrait plutôt dire qu'il a été entièrement reprogrammé, ce qui n'est pas vraiment le cas. On pouvait pas trouver pire, à mon avis, comme premier titre d'épisode. Cortex, moi, ça me fait penser à un singe qui fait des vidéos sur Internet. Spectromania, ça me fait penser à Starmania. C'est un titre qui ne finit pas de me faire rire. Madame Einstein, lui, il est bien trouvé. Mais, petit regret, c'est que j'aurais pensé qu'on verrait Sissi dans cet épisode, puisque Madame Einstein, c'est généralement ce que Sissi dit en parlant de Aelita. Rivalité, rien à dire, il colle parfaitement à l'action. Soupçon, si c'est juste pour définir les états d'âme de Aelita, ils auraient pu trouver autre chose. Épisode 7, tout le monde s'accorde à le dire, c'est vraiment le compte à rebours, c'est vraiment le titre qui n'a vraiment rien à voir avec l'épisode. Alors, est-ce que ça vient du fait que ça soit... je sais pas. Non, en fait. Je vois pas où peut venir compte à rebours dans cet épisode. Bah, je te dirais que moi non plus, en fait, j'ai pas compris. Et le pire, c'est que... JD, quand on a vu le petit compte à rebours, on était là, on avait fait plein de théories du genre « Ouais, à mon avis, il va se passer ça, il va y avoir un compte à rebours, ils seront dans Cortex, etc. » Et arrivé là, mais... complètement hors sujet, il n'y a pas un compte à rebours dans tout l'épisode. Donc c'est vrai que c'était un petit peu bizarre quand même comme titre. Il y a quelqu'un qui a une théorie? Oui, j'ai la théorie, en fait c'est simple, c'est dans l'épisode, on voit que Odd ne sait plus du tout parler, hein, il dit des mots totalement à l'envers, et ben le titre c'est pareil en fait, ils ont voulu mettre un titre. En fait c'est Odd qui a écrit le titre. Voilà, il savait plus parler pendant l'attaque du spectre, et voilà, ça a fait ça comme titre. Hein. C'est... Je ne vois que ça. Ou alors c'est le défilement du bloc qui peut éventuellement faire penser à un truc qui tourne jusqu'à 1.0. Et par rapport au titre suivant, alors Virus, soit ça va parler entièrement de Xana, soit Xana va nous lancer une attaque qui fera qu'il y aura une grosse épidémie de je sais pas quoi, un peu comme dans Musique Mortelle éventuellement. Moi je vois bien l'arrivée en scène de Laura, mais plus précis, parce que la dernière fois elle avait été victime du retour vers le passé, donc là elle pourrait revenir et qu'il y ait une histoire de virus par rapport à elle. Je pense aussi que la théorie de Lesté, elle se tient, parce que il y avait un truc dans la bande-annonce où il disait ouais, tu te connais en virus ou je sais pas trop quoi, pourquoi pas le retour de Laura dans cet épisode. Oui, Jérémy qui est à court de compétences et, les héros vont la chercher, possible. Ça se tient. Ou juste qu'il manque de temps. Enfin bon. Et l'épisode 9, comment tromper Xana, Ouais, je m'attends à un gros tutoriel en fait. Je m'attends à un gros tutoriel. Et Jérémy qui commence l'épisode avec bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment tromper Xana. Alors, première étape, prenez 5 ou 6 Yoko guerriers. N'importe virtualisant quoi. Virtualisez-en quelques-uns sur Yoko. Et ensuite, on passe à la deuxième étape. Si vous ou n'avez alors, pas c'est un épisode où il y a Elita qui se remet à faire des leurres pour leurrer. Ce qui serait tout à fait possible. Ce qui serait tout à fait possible, parce que si vous vous rappelez des petites bandes-annonces et des petites vidéos de teasers qu'ils ont faites, on voit à un moment un hologramme de Yumi qui apparaît dans le monte-charge et où le chauffeur de Tyrone lui fonce dessus pour essayer d'attraper. Ça pourrait aussi être une histoire de leurre. Non mais voilà, il faut pas trop spoiler parce qu'il y a des gars comme moi qui ont, tu vois, quand Monscoop a sorti des sujets sur Coleco-Evolution, il n'a justement pas regardé tout ça pour ne pas être spoilé quand il va regarder. Donc s'il vous plaît, ne me racontez pas ce qui va se passer. Et on ne spoile pas, on fait des suppositions. Arrête, tu m'as déjà dit qu'il va y avoir des hologrammes dans un monde charge et tout qui vont te défoncer. Arrête, c'était en mode annonce ça. Mais je l'ai pas vu moi justement. Bah non, pas moi, j'ai fait exprès de regarder. Écoute mon cher Nathanaël, je vais être simple avec toi, je vais pas te raconter comment va se passer l'intégralité de la saison. Je vais te spoiler puisque on le sait déjà, mais on va pas te le dire. Ah ouais, y a qui meurt à la fin. Je te le dirai pas ça. Ah c'est lourd. Tout le monde meurt, tout le monde. Ah c'est Xana qui va c'est mourir. Alors, bon, avant d'enchaîner sur les acteurs maintenant, on accueille un nouvel invité qui est Cyclope. Bonsoir à tous et merci pour cette invitation. Bonsoir Cyclope. Que c'est poétique. Eh bien, si vous le savez pas tous, je suis le poster numéro 1 du forum et je suis informateur indique pour le site. En tout cas, bienvenue Cyclope à cette réunion de la Rorcale, cette radio de la Rorcale, où tu vas pouvoir donner ton avis sur Coleco Evolution. On va faire par acteur en fait. Je vais commencer par Yumi, tiens. Vous avez pensé quoi de Yumi ? Moi je trouve qu'elle a la classe. Elle joue bien. C'est la meilleure. Pour moi. Ah ça, y a pas à dire, c'est incontestablement la meilleure du casting. Non seulement c'est un sosie parfait niveau ressemblance, mais... Non, pas parfait. Elle aurait pu avoir la peau plus blanche. Ouais, enfin bon, faut pas pousser là. Mais niveau interprétation, ça y a pas à dire, c'est carrément la meilleure. C'est vrai qu'elle est bien cette actrice, je crois que c'est la moins critiquée. Ah ça y a pas à dire, y en a très peu, voire même quasiment pas qui ont dit quoi que ce soit de négatif à propos de Mélanie. Je crois qu'en fait c'est juste parce que c'est la seule qu'on n'a pas dû retoucher pour devoir refaire la ressemblance avec le personnage de la série d'origine, je crois, tu vois. Elle était bien dans le naturel, donc voilà, on n'a pas dû la retoucher, c'est la seule. Ah oui. Voilà, il n'y a rien à dire. William n'est pas vraiment retouché non plus. Hein. William, je vais commencer sur William. Alors déjà, j'aimais bien le personnage dans Code Lyoko. Dans Code Lyoko Evolution, il ne m'a pas non plus déçu. J'aime bien l'acteur, je trouve que... Je trouve qu'il a un sourire craquant. Sur Terre, il est pas mal. Après, le problème, c'est sur Lyoko, je trouve. Au niveau de doublage, il a... Je dis pas qu'il est mauvais, mais il est vachement mou. Même dans des phases d'action, il a tendance à être mou. C'est pas naturel. Il parle lentement, on n'a pas l'impression qu'il est à fond dedans, quoi. On n'a pas l'impression qu'il est vraiment sur Lyoko. C'était peut-être parce qu'il s'agissait de la première expérience en doublage de Diego. Sur Lyoko, j'ai presque envie de lui sortir la phrase que Jim lui a balancée en tant que spectre sur Terre quand il conseille Ulrich, quoi. C'est « Allez, William, un peu d'énergie, là !» Un peu de nerf. N'oubliez pas qu'il a été Xana guerrier pendant 6 mois de sa vie. Vous croyez que c'est facile à oublier un événement comme celui-là? Ouais, oui, mais ça n'a rien à voir avec sa voix. Oui, peut-être. Je sais pas. Faut quand même noter une grande différence entre Mathieu Moreau, qui est un grand comédien de doublage belge, et Diego, qui en a encore peut-être jamais fait auparavant. En effet, mais effectivement, c'est un acteur qui a une, qui n'a pas encore une très grande expérience dans ce domaine-là. Et ça se ressent quand il parle sur Lyoko. Sinon, dans son rôle de William, je trouve qu'il est tout à fait à sa place. Maintenant, c'est vrai qu'on peut émettre quelques critiques concernant les autres acteurs. Ulrich. Ulrich. Alors Ulrich, pour ma part, je trouve que, à part le fait qu'il ait 21 ans et qu'il y a vraiment une qu'il soit beaucoup plus grand que Odd niveau âge, au final, c'est sûr qu'au début, peut-être que ça fait un petit choc, mais après, quand tu regardes la série et que tu t'habitues un petit peu, bah, tu fais plus attention à quel âge, etc., mais plutôt au personnage en lui-même. Donc, c'est pas lui qui me dérange le plus, on va dire. En ce qui me concerne, eh bien, Ulrich, l'acteur, je trouve qu'il est vraiment pas mal, il le joue très bien. Et puis, vocalement, sur Lyoko, au fur et à mesure des épisodes, ça ne fait que s'améliorer, franchement. On sent vraiment qu'il a du punch, du répondant, et ça, c'est pas mal. J'ai franchement hâte de voir ses techniques de karaté dans les prochains épisodes, s'ils ont peut-être mettre. Moi, j'ai hâte de voir, juste parce qu'il y a eu une interview où ils disent que c'est marrant. Mais bon, donc, je m'attends plus à un fail qu'autre chose. Mais des séances de karaté à la CLE, je pense qu'on va bien rigoler. Odd, vous en avez pensé quoi d'Odd? Bizarrement, j'ai l'impression que avec Yumi, c'est aussi plus apprécié. Même si au début, il avait été pas mal critiqué, parce qu'on disait, ouais, il colle pas du tout au personnage, physiquement, etc. Quand on a vu les photos, une fois qu'ils l'ont vu jouer dans la série, je pense que c'est passé nickel. Disons que quand on l'a vu, la première chose qui a choqué, c'est... Ah, la coiffure, elle est où, la coiffure en montagne, là, la fameuse coiffure d'Odd. Bon, heureusement, il y a l'acteur qui rattrape un peu, qui est pas mal dans le personnage. On le sent bien, d'ailleurs. Il prend pas mal son rôle au sérieux, quand même. Au sérieux. De se mettre dans la peau du personnage, c'est ça. Voilà, en gros, oui. Mais on sent vraiment qu'il maîtrise le personnage d'Odd. Ouais, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Eh bien, Odd, je trouve qu'il s'est super bien approprié le personnage. Il est haut en couleur. Il est assez naturel. À la Odd, quoi. Je pense que les fans d'Odd n'ont pas trop été déçus. Déjà, vous devez savoir qu'Odd, c'est le personnage que je déteste le plus dans les 4 premières saisons. Mais là, dans CLE, pour moi, il n'a plus rien à voir avec le gamin immature et insupportable des 4 premières saisons. Il s'est métamorphosé dans CLE. Déjà, il a plus cette voix insupportable qu'il avait dans les 4 premières saisons. Arrête. Il était épouvantable à écouter. Et puis en plus, par moment, Raphaël Bruno, qui fait à la fois Jérémy et Odd dans les 4 premières saisons, par moment, on retrouve des airs de Jérémy chez Odd, et Odd a des airs de Jérémy. Et quand ils se mettent à souffrir ou à suffoquer, c'est exactement les mêmes bruits. Et quant à Jérémy, personnellement, je trouve que ce que je trouve de mieux chez Jérémy, c'est sa voix. Parce que franchement, si vous avez entendu dans les 4 premières saisons, ça faisait trop très adolescent, sa voix. Parce que c'est son personnage. Oui, peut-être. Moi, personnellement, j'aime pas son débit de voix. Enfin, peut-être la voix en elle-même, oui, mais pas sa façon de parler. Moi, c'était pas la façon de parler dans les 4 premières saisons, c'est le fait que ça faisait pas assez grave. C'est vrai, quoi. Quand tu fais la comparaison avec Millie, doublée par Nathalie Stas, quand tu l'entends, franchement, elle qui fait une fille de 11-12 ans, quand tu l'entends, on dirait une femme de 19-20 ans. Alors que Jérémy, franchement, la ressemblance, plutôt la différence, elle est flagrante, quoi. T'as l'impression d'entendre un préadolescent de 10-11 ans, alors qu'il en a 15 à la fin de la saison 4. Je sais pas, pour ma part, je préférais quand même la voix de Jérémy dans les 4 premières saisons que là, mais bon, après, vous allez pas non plus redoubler les voix pour faire un truc. Non. Donc, ce qui me dérange dans la voix de Jérémy dans CLE, c'est... Que c'est un amateur. Non, c'est que, ouais, Si. Et que des fois, il articule pas. C'est un narrateur. Bah, honnêtement, d'épisode en épisode, je trouve que Jérémy, il s'améliore considérablement au niveau jeu. Il y a beaucoup ça, je trouve que c'est pas normal. Je pense que c'est juste qu'on s'y habitue. Parce qu'ils ont plus tourné par lieu que par épisode. Ouais. Et puis, je trouve c'est juste qu'on s'y habitue. Ouais. Jérémy, dans CLE, il a beaucoup plus de répondants que dans les 4 premières saisons. Parce que franchement, bah oui, dans les précédentes saisons, c'était à peine s'il osait vouloir remettre Odd à sa place. Tandis que dans CLE, là, il se lâche complètement. J'ai l'impression d'entendre moi qui est en train de rabaisser Odd. Eh ben pour moi, c'est pas un point positif. Parce que ça sort du personnage. Poursuivez. Alita, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi, pour la part, je l'aime pas. Je trouve que dans CLE, elle est plus fourbe. Elle fait plus des coups en douce comme ça. Elle n'entend pas la vie de tout le monde, elle lance directement à hauteur dans le passé, des trucs comme ça. Elle est un peu plus fourbe, mais c'est vrai que ça change de l'Alita dont on avait l'habitude, qui est un peu naïve, qui ne se souciait pas forcément des dangers environnants, qui était encore dans son monde, quoi, qui était encore sur Lyoko, tout allait bien. Ah oui, tout à fait. Et puis en plus, du fait qu'elle a dû passer les 2 premières saisons à dépendre de l'intervention de ses amis, ça a à la fois joué sur ses capacités au combat, et puis en même temps... Elle prenait pas assez d'initiatives personnelles et regardait un petit peu les 3/4 du temps ce qu'elle a fait contre la méduse. Elle combattait vraiment comme une chochotte. Bah, est-ce que la méduse n'a pas un pouvoir paralysant aussi? Enfin, bon, on s'égare. Et après ça, à la fin de la saison 4, elle se permet de faire des leçons de morale sur la méduse alors qu'elle a toujours été bonne à rien face à elle. Excusez-moi, mais quand on est bon à rien face à quelque chose, on n'a en aucune façon le droit de se permettre de donner des leçons. Voilà. On reprend sur CLE, n'est-ce pas? Enchaîner aux personnages secondaires qui vraiment sont vraiment les pires, je crois. C'est la plus grosse erreur de casting de cette série. Et vraiment, si quelqu'un ici trouve une quelconque ressemblance avec leur modèle d'origine, eh ben, allez chez Optique 2000, parce que vraiment, vous avez besoin de porter des lunettes, voire des jumelles de vue à ce niveau-là. Je précise qu'il ne parle pas de Jim, ne vous inquiétez non, pas. Parce que, oui, effectivement, car Jim est, à mon sens, le personnage secondaire, même s'il apparaît dans le titre comme personnage principal secondaire, le mieux réussi. Jim est bien réussi. Mais là, en ce qui concerne nos amis Samantha, Monsieur Delmas et Madame Hertz, c'est une catastrophe. Moi, Samantha, c'était vraiment la pire. Elle n'a rien à voir avec la scène d'origine. Bon, ça, encore, à la limite, on est habitué maintenant. Une fois qu'on a vu Madame Hertz, on peut tout voir, de toute façon. Non, moi, depuis que j'ai vu Monsieur Delmas, j'ai tout vu, quoi. Non, moi, quand j'ai vu Madame Hertz, il n'y a plus rien qui pouvait me choquer. Hein. Tu pouvais me mettre Delmas, ça aurait pu être... Un japonais, ça m'aurait pas choqué, tu vois. Ça aurait pu être n'importe quoi. Il aurait pu être japonais, il a été inspiré par Miyazaki. Par contre, si la production de CLE a le procédé de fabrication de la crème anti-rides de Madame Hertz, mais qui dépose le brevet tout de suite, les mecs, parce que là, ça va faire un tabac, là. Pas seulement le brevet de la crème anti-rides, également de la formule amincissante. Parce que du gros monsieur bondonnant très âgé, Delmas est devenu un jeune homme de 40 ans, très athlétique. Sans compter et le fait de supprimer la peau noire sans avoir à passer par la même expérience que Michael Jackson. Et déjà, primo, Samantha, elle n'était pas black, elle avait la peau mate. Donc il y a une petite différence. Non, n'importe quoi. Honnêtement, madame, dans les 4 premières saisons, elle est toute vieille, c'est limite un fossile. dans CLE. Oui, c'est ça. Là, je suis d'accord. Pour Suzanne Hertz, en direct dans CLE, c'est comme si c'était madame Meyer. Bah, ouais. En fait, peut-être qu'ils se sont juste trompés dans le nom générique. Oui, d'ailleurs, même Quentin et Mélanie, ils ont dit que c'était une erreur de casting, les choix de Madame Hertz et du proviseur. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient vraiment la série de Code Lyoko sur le tournage, donc... Bah oui, et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait appel à Jérôme Mouscadet, Sophie de Croisette ou aux scénaristes des 4 premières saisons, au moins en tant que conseillers techniques. Ils étaient en vacances. Je pensais qu'ils y étaient, moi. En fait, il n'y avait que Sophie et Jérôme pour la rédaction des premiers épisodes. Et veiller à la cohérence. Loupé. On va passer au décor. On finira sur la 3D. À vous l'honneur. Alors, personnellement, s'il y a une salle que je trouve qui a été bien reproduite, c'est la salle des scanners. Elle est pas mal faite. Pas à dire. À part le fond aluminium dans les scanners qui fait très arbre. Ça, à la limite, ça m'a pas spécialement dérangé, quoi. L'usine, elle m'a pas dérangé tant que ça, hein, que ce soit la salle des scanners ou la salle du supercalculateur, etc. Ça va. Même le supercalculateur, à la limite, ils nous ont voulu changer, pourquoi pas. Ça n'a pas dérangé plus que ça, en fait. Bah, disons que le problème avec le supercalculateur, c'est que c'est au tout début du tout premier épisode. Donc, qui a regardé le tout début du tout premier épisode? Les nouveaux qui sont tombés dessus par hasard, ceux qui ont entendu parler de Code Lyoko, et les anciens fans. Bah, oui. Et donc, les anciens fans qui voient dès le début que le Super Gladiator a changé de tête radicalement, eh ben, ça a tendance à refroidir un peu. Ouais, c'est vrai. Poursuivons. Poursuivons. On va passer maintenant à la partie 3D. Voilà, pour la partie 3D, alors autant j'ai pu critiquer CLE et dire que c'était vraiment de la merde et compagnie. Pour la partie 3D, j'ai pas vraiment de critique à faire. Honnêtement, je dirais même que c'est super joli quand même. Oui, bien d'accord soit, là-dessus. C'est très fluide, agréable à voir. Ils ont fait vachement d'efforts en 3D. Bon, après, un truc que, enfin, ce que je trouve dommage, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas assez de monstres ou de lieux, mais bon, ça, à la limite, c'est le scénario. Les tours. Excuse-moi, mais les tours. Ah, mais les tours, même les tours, je m'en fiche. Fait, mais le changement des tours, c'est ce qui m'a le plus choqué dès le départ, dès les premières images. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas ça, mais je le dirai après. Personnellement, en ce qui concerne les tours, moi, ça m'a pas du tout choqué. Je trouve au contraire que ça a donné un design à la série un peu plus apocalyptique. Non, je pense qu'ils ont voulu faire une tour qui ressemblait à leur supercalculateur, à leur nouveau supercalculateur qu'ils ont fait un peu dans celle. Ça va, la théorie. Je l'approuve. J'avais dit tout à l'heure que c'était pas la première chose qui me choquait les tours. Donc je vais dire ce qui va me choquer dans la partie 3D. Et je pense pas qu'ils vont changer ça. C'est la façon de se battre des Luco guerriers qui a complètement changé. C'est plus du tout la même stratégie parce qu'ils ont, bon, par exemple, Odd qui tire 3 fléchettes en même temps. Du coup, il ne vise presque plus. Il se contente d'envoyer les fléchettes et d'espérer que ça touche quelque chose. Ils n'ont plus besoin de toucher les yeux de Xana sur les monstres, d'après ce que j'ai vu. Pire, les crabes, quand on envoie une arme sur le signe de Xana, ça le ricoche. Et je trouve ça vraiment dommage d'avoir complètement changé la façon de se battre des monstres et des Lyoko guerriers. Par exemple, je prends aussi la tarotule. Oui. La tarotule qui tire par l'œil de Xana. Alors que c'était classe ça de voir. Ça n'a aucun sens. La tarantule se met sur ses pattes arrière, lever ses pattes avant et puis tchou, tchou, tchou, tchou, tirer. Et c'était ce qui est bien par rapport à la tarantule. Elle pouvait viser. Bien. Voilà. C'était un monstre qui était assez. À l'aise. Voilà, pour ça, il n'y a aucune explication, ni scénaristique, ni quoi que ce soit, même pas. C'est Xana qui n'a pas eu le temps de recoder ses tirs juste laser. C'était juste une erreur pour moi de changer ça, tout à fait. Après, il reste une vingtaine d'épisodes, peut-être qu'ils se réservent cette façon de tirer pour d'autres épisodes. Non, je pense pas. J'ai pas d'espoir sur ce coup-là. Maintenant, toujours dans l'aspect 3D, deux choses qui m'énervent également. C'est un, l'animation, et deux, les petits effets qu'ils ont voulu rajouter pour donner un côté « Waouh, c'est cool, c'est plus sympa !» Alors, l'animation, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de nous mettre des ralentis? Non mais c'est affreux, ils nous mettent des ralentis partout dans les scènes d'action. Quand ils géraient les ralentis dans les précédentes saisons, l'effet était magnifique. Là, j'ai l'impression que c'est le rendu 3D qui a foiré. Je dirais qu'ils ont eu des bugs au niveau de l'informatique et que la 3D les ralentissait quand ils faisaient les calculs. C'est horrible. Alors, si c'est voulu, laissez-moi dire que c'est raté. Bon, ça c'est juste pour l'animation. Et maintenant, quand je disais les petits effets sympas qu'ils ont voulu mettre pour faire cool, c'est génial. Apparemment, j'ai compris une chose, c'est qu'ils adorent les générateurs de particules. Un générateur de particules en 3D, c'est ce qui permet de faire des petites étincelles, des petits éclairs. Et ben, ils en mettent partout. Un overwing qui bouge, des petites particules. Un Lyoko guerrier qui saute sur le sol, des particules. Il y a des particules partout. C'est un loïc qui traîne, pareil. Un monstre qui explose, c'est pareil. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette 3D qui n'est pas aussi extraordinaire qu'on veut le prétendre. On va dire qu'elle n'est pas à ton goût. Moi, je trouve ça joli. Ouais. Enfin bon, je pense que on va faire la conclusion de l'épisode en donnant un avis global, on va dire, sur CLE. Alors moi, un truc que je trouve, je vais commencer. Un truc que je trouve dommage dans Code Eco Evolution, c'est qu'ils ont voulu faire un tournage réel. Bon, alors ça, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que comparé aux 4 premières saisons où t'avais forcément plus de personnages secondaires, plus de décors. Là, en passant avec un tournage réel, bah, tu perds tout ça. Tu perds les personnages secondaires, tu perds des décors. Même au niveau des effets spéciaux, t'es plus limité au niveau scénario. Ce qui fait qu'on a perdu beaucoup, beaucoup sur Terre. Ouais, on perd la qualité, on perd le budget. Et puis... ouais. Je pense vraiment qu'ils n'auraient pas pu faire mieux. Ils l'ont dit eux-mêmes. Ils auraient pas pu faire mieux. Est-ce je qu'ils sais auraient pas. Pu faire pire? On sait pas. Auraient... Et puis déjà, réjouissons-nous d'avoir cette cinquième saison qu'on a attendue pendant 5 ans. Non, moi, je suis désolé. Hein. Je vais pas me réjouir d'avoir de voir CLE. C'est pas la saison que j'attendais. Et... Pas du tout, quoi. Ils ont dit qu'ils allaient faire une saison 5. Et là, au final, ils font un concept nouveau qui a strictement rien à voir, qui est complètement hors si, sujet. Quand même. Ah non, mais c'est quand même dans la continuité des précédentes saisons. C'est dans la continuité des précédentes saisons, d'accord, je dis pas le contraire. Mais il y a tellement de trucs, en fait, même s'il y a des trucs qui sont bien, ils vont être rapidement étouffés par des trucs qui sont nuls. Du coup, j'ai l'impression qu'avec CLE, c'est soit t'adores, soit tu détestes. Il n'y a pas de juste milieu. Parce ouais. qu'on a tellement attendu cette saison que nos attentes, elles sont hautes. C'était la barre est haute et il faut sauter encore plus haut, et c'est pas évident. Non, je suis pas d'accord. Absolument pas d'accord. Là-dessus, je vais laisser Light parler, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. D'un point de vue général, je suis d'accord. C'est une série qui est à petit budget. Ils ont eu des temps très speed, très rap, très courts pour pouvoir tourner. Mais s'il y avait eu véritable préparation en amont, et je dis bien ne serait-ce que du point de vue scénaristique, et une vraie coopération entre les équipes scénaristiques et les équipes qui étaient chargées de tourner, ils auraient pu faire largement mieux. Le premier épisode que j'ai vu de Code Lyoko Evolution, Xana 2.0, vous savez, le titre qui fait fanfic, ouais. J'avais vraiment l'impression de voir un film amateur. Non mais un film amateur, des gamins qui auraient pris un caméscope et qui seraient allés tourner dans leur jardin une histoire de Code Lyoko. En fait, ça ressemble pas à une qualité de tournage de film amateur, ça ressemble juste à une qualité de tournage de film français. Enfin, pas de film français, de série française. Ouais. Non, désolé. Moi, j'ai une série qui s'appelle Soda, que j'aime bien prendre en référence. Si l'évolution avait été tournée comme Soda... Non, il ne faut pas rigoler, parce que Soda, c'est bien tourné. Faudra que tu envoies un lien pour que je vérifie. Là, je peux le dire, si ça avait été tourné de la même manière, alors oui, je le dis, la partie sur Terre aurait été de très bonne qualité. Malheureusement, non, là, je suis désolé, ça ne passe pas. Et je ne parle même pas des effets spéciaux, je l'ai assez dit, des effets spéciaux, tout le monde sont ébahis devant « Oh, c'est génial, c'est virtuel, etc. » Je pourrais citer des séries télé américaines de science-fiction qui datent d'il y a 20 ans, oui, qui ont des effets spéciaux qui étaient bien mieux réussis que ça. Et à l'époque, ils n'avaient pas encore tout le... Ils avaient pas la technique, le système qu'ils avaient à l'heure actuelle. Non, je suis désolé, le côté peu de budget... Ça n'excuse pas l'amateurisme dont ils ont fait preuve. Mais bon, tout ce que tu dis, ce sera peut-être corrigé dans la 6e saison, en cas de succès. Ah, je le souhaite, parce qu'on peut se rater. Pour moi, c'est une saison que je considérais comme expérimentale. C'était la première fois qu'ils font ça, et forcément, il y a des ratés. Mais si il y a une suite, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, je souhaite, parce que je suis fan de Code Lyoko et j'aimerais vraiment qu'il y ait du succès pour Code Lyoko Evolution pour qu'il fasse une suite, mais s'ils ne tirent aucun enseignement des erreurs qu'ils ont déjà commis et qu'ils nous font la même bouillie visuelle, je suis désolé, hein, qui se rhabille, ça, alors, qui demande à quelqu'un, alors, qui demande aux Américains de faire la série, parce que... Ouais. Ça pourrait être marrant. Ouais, mais bon, attendons de voir ce que ça pourra donner. C'est l'heure pour nous de nous quitter, parce que voilà, on commence à arriver au bout de l'émission déjà. Je pense qu'on fera un autre épisode de la Rorcal pour voir l'évolution de la série vers la fin de saison. On reparlera du scénario et tout. Alors, ce soir, pour nous accompagner, on avait Hôte de la 60, donc Camille, qui ne peut plus parler malheureusement. On avait Nathanaël. Et autrement, dans les personnes encore présentes, on avait Light4517. Bonsoir. Julien Dupont. Bonne soirée à tous. On avait également Leslie, une nouvelle arrivante. Merci à tous de nous avoir écoutés. Enfin, tous, je sais pas, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas réussi à suivre toute l'émission, mais pour ceux qui ont eu le courage de tout écouter, je suis vraiment super fière de vous, parce que c'est la première fois que je fais ça, donc ça me fait plaisir. Bonne soirée à tous. Et on avait également un invité exceptionnel, Cyclope. Merci de ta présence. Il n'y a pas de quoi, merci. Et donc, je termine par moi, comme le veulent les règles de politesse. Donc, première émission également. Merci de m'avoir laissé terminer, mes chers Light et JD. C'était un plaisir de participer. J'espère que ça a été le cas pour chacun d'entre vous. Et donc, à la prochaine pour un nouvel épisode de Orcal. Et on se quitte. Voilà. Sur cette phrase. Qui ne voulait rien dire. Lyokofan. Exactement. Lyokofan un jour, Lyokofan toujours. Est-ce qu'on a quelques goodies à mettre? Non, on n'avait pas une musique à balancer. Ah, si, bon. De toute façon, vous l'entendrez en fin d'émission. De toute façon, je la mettrai quand je ferai le montage.